Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un bon western. Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où aucune loi n'avait cours. Des hommes comme nous vivent de leurs armes parce qu'ils savent les manier. Parce qu'on est meilleur que la plupart. Le genre de travail qu'on fait est tout ce qu'il y a de plus incertain. Depuis combien de temps gagnez-vous votre vie en tuant des gens ? Je ne tue pas les gens, je fais respecter la loi. Vous êtes en état d'arrestation. Personne n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Monsieur Cole, Monsieur Hitch, nous voulons que la paix revienne dans notre ville. C'est dans nos cordes. Ça, c'est sûr, oui. Je peux finir mon café avant ? Bien sûr que tu peux. Je suis le nouveau shérif de la ville. Vous êtes un homme mort. Ce secteur ne relève pas de votre jurisprudence. Jurisprudence ? Je pense qu'il veut dire juridiction. C'est ça qu'il veut dire. Je pense qu'il a sacrément raison. On vous tuera, vous et Hitch. Vous essaierez. Vous avez peur de mourir ? J'ai pas peur. Parfait, parce que tu y passes en premier. Appaloosa, un film à deux et avec Ed Harris, un DVD métropolitain.